sur les ailes de l'ange. Je traverse la nuit, les avenues luisantes, les marges indéfinies. Le silence du vol me défonce le bol à l'oxygène enrichi. Sur les ailes de l'ange, et je suis sans toi. Sur les ailes de l'ange, des contrées étranges, des océans, des prairies, où les hommes et les plantes vivent en harmonie. Je ne fais qu'effleurer ce que d'autres ont rêvé, rêvé de s'éveiller dans un monde sensé. Sur les ailes de l'ange, et je suis en toi. Sur les ailes de l'ange, sur les ailes de l'ange, je traverse la nuit. Les lumières sont lointaines, les airs rafraîchis. Mon vol ne dérange pas l'errance des lois. Jamais personne ne m'aperçoit.